Chapitre 25e. Le mariage fut fixé à 15 jours de là. La comtesse décida que le trousseau se ferait après, puisque le comte Xavier ne pouvait pas attendre que les brodeuses eussent fini de mettre d'innombrables chiffres couronnés sur tout le linge destiné au jeune ménage. Cependant, il fallait bien commencer, afin d'avoir l'avis de Thécla, que son fiancé voulait emmener bien loin le jour même de son mariage. La comtesse se souvint alors de Mavra qui avait passé dans l'isolement et l'oubli cet hiver pour les autres si fertiles en émotions. Elle fut mandée et vint sur le champ, pâlote, amaigrie, portant sur son visage une expression de résignation triste à voir. « Pourquoi es-tu devenue comme ça ?» lui dit la comtesse émue. « C'est que je m'ennuyais loin d'ici, » répondit la pauvrette. « À présent, je vais redevenir bien portante. » Thécla entrait en ce moment. Les deux jeunes filles se regardèrent et se reconnurent du premier coup d'œil. « Comment ? C'est toi ?» dit Thécla. « Mademoiselle, c'est vous qui épousez le jeune maître ? Oh, je vous avais bien dit que vous seriez heureuse. » Mavra n'en dit pas plus long et se mit à l'ouvrage avec une ardeur extraordinaire. Elle aimait à sentir sous ses doigts le linge fin qui irait à Bella remplir les armoires de la future comtesse. Elle pensait voir Xavier avec une joie attendrie, se disant qu'il était heureux aussi, qu'il le serait plus encore, que la jeune femme était douce et belle. Elle aimait à se rappeler la rencontre au bord du ruisseau, qui lui paraissait maintenant avoir eu un caractère prophétique. Bref, Mavra était radieuse. La seule ombre à sa joie était que ce trousseau ne durerait pas toujours, et qu'après peut-être on la renverrait chez elle, mais elle s'efforçait de n'y pas penser. La veille du mariage, étant à Bella avec toute la famille, Xavier reçut une lettre timbrée d'Italie. C'était pendant le déjeuner, et les yeux des trois femmes se fixèrent sur lui avec une telle inquiétude qu'il se sentit obligé de la décacheter pour les rassurer. N'était-ce pas une menace de mort ? Un ordre, tout au moins, de rejoindre sans délai la cause abandonnée. Il déplia la feuille de papier et lut tout haut. « Elle est noyée !»« Qui ? » s'écria la comtesse. « Un nouveau crime ?»« Non, ma tante, » répondit-il. « Ce doit être la dynamite. Personne n'aura voulu aller la chercher. » Thécla jeta un regard d'orgueil sur son fiancé, vainqueur de tant de dangers, et les deux autres dames poussèrent un profond soupir de satisfaction. Ils furent mariés le lendemain matin et partirent pour leur voyage de noces. Ce fut une époque aventureuse, et le récit de ce qui leur arriva nous mènerait trop loin. Mais si accidentée qu'elle pût être, cette période de leur vie ne fut pas longue, car un événement s'était produit qui nécessitait le retour au logis. Xavier ne voulut pas que l'héritier futur des Stanitsky vit le jour sur le sol étranger. Le jeune couple revint donc à Bella pendant l'été de l'année suivante et s'y installa définitivement. Au commencement de septembre, Xavier dit à sa femme « Si tu m'en croyais, tu nourrirais toi-même notre enfant. Je le voudrais, mais alors il faudrait une servante expérimentée, dévouée, ornée de toutes les vertus. » répondit la jeune femme, et maman dit que c'est encore plus difficile à trouver qu'une nourrice convenable. « C'est vrai, » fit la comtesse, présente à ce conciliabule qui avait lieu en moyenne 3 fois par semaine depuis 2 mois. « Mais, Xavier, j'y pense, nous avons Mavra, la plus douce, la plus tranquille et la plus dévouée des gardes-malades. « Mavra, naturellement, comment se fait-il que nous n'y ayons pas songé plus tôt ?»« Pas expérimenté, Mavra ?» vu qu'elle est demoiselle, mais si active et si intelligente. On écrivit au régisseur d'envoyer Mavra. Elle vint, ses effets empaquetés dans une corbeille d'éclats de sapin, les yeux grands ouverts, ne sachant ce qu'on lui voulait, mais comprenant vaguement qu'il lui arrivait un grand bonheur. Quand elle eut fait la toilette nécessaire, elle fut introduite dans la chambre de la jeune comtesse où toute la famille se trouvait réunie, augmentée depuis 2 jours d'un superbe nouveau-né qui donnait aux femmes de chambre tout le tintouin imaginable. « Te voilà, Mavra. Bonjour, » fit le père, triomphant en prenant son fils dans ses mains maladroites, au risque de le faire brailler de plus belle. « Tu as la main légère et la voix douce. Je te donne mon fils. Tâche d'en avoir bien soin. » « Je vous remercie humblement, » dit la jeune fille pâle de joie. « Je ferai de mon mieux. » Elle emporta l'enfant dans une pièce voisine, où elle eut bientôt appris les soins spéciaux qu'exigeait un enfant de race noble, aussi différent de le berceau des petits paysans, ses frères en Dieu, qu'il devait l'être le reste de sa vie. Au jour tombant, la jeune mère, surprise de ne pas entendre résonner à ses oreilles la musique à laquelle son premier-né avait déjà eu le temps de l'habituer, envoya Xavier pour savoir la cause de cette paix inaccoutumée. Le jeune maître entra dans la grande chambre presque obscure, où, sous le regard sévère de Saba, debout près de la porte, Mavra se promenait à pas lents, la joue de l'enfant contre la sienne, le réchauffant de la tiédeur de son haleine et de toute la tendresse de son cœur désormais épanoui. Elle lui chantait une berceuse paysanne, dont elle inventait les paroles à mesure. « Cher petit enfant de mon maître, dors sur le cœur de ta servante qui t'aime, trésor plus précieux que tout, ma joie, ma part de bonheur en ce monde, ma petite étoile. » Xavier retournait sur la pointe du pied vers sa femme. Saba le tira par la manche. « Je vois, comte Xavier, dit le vieux serviteur, que vous pouvez être tranquille. Cette fille fera l'affaire, le petit comte sera bien soigné. » Ceci se passait il y a longtemps déjà. Bien des vicissitudes ont depuis troublé la paix des héros de cette histoire. Mais en ce qui dépendait de leur vie intime, ils ont été parfaitement heureux. Maîtres et domestiques, pauvres et riches, ils avaient entre eux un lien indissoluble. De façon fort différente, mais également sincère, tous s'aimaient. Ainsi s'achève le conte Xavier par Henri Gréville.